Salut à tous, c'est Lia et il est le bienvenu sur Radio Gémozo. Ça commence bien, je commence à déjà m'embrouiller avec ma propre langue. Je suis en direct avec toi. Et bien franchement, ça me fait un bien. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Alors juste un peu d'indulgence à toi auditeur, hein. Je suis en freestyle complet. C'est le moment de savoir si je suis faite pour ce métier ou pas. N'hésite pas à me donner ton avis à l'antenne 03 29 62 40 40. Alors pourquoi freestyle ? Ben je vais t'expliquer tout de suite. Et ben ce matin, je me suis levée et le micro, eh bien, il me manquait beaucoup trop. J'ai eu envie de partager un espace-temps non défini avec toi. J'ai eu envie de te dépoussiérer à grands coups de son. C'est le grand jour où tu vas te lâcher et laisser parler ton corps à travers la musique. Alors certains le savent peut-être, nous sommes en train de vous confectionner une toute nouvelle playlist. Alors pas de panique, hein. Ça restera éclectique, de tous horizons et décalé comme vous en avez l'habitude sur Radio Gémozo. Je reprends mon souffle quand même, mais comme avec toute cette histoire, eh ben, on n'a pas pu trop travailler sur le sujet de cette nouvelle playlist qu'on vous concocte pour très prochainement. J'ai décidé de vous lancer quelques sons de ce que vous trouverez bientôt sur les ondes de RGM. Et voilà, j'ai décidé ce matin de prendre la route pour vous proposer cette petite émission. Avant de prendre la route, bien entendu, j'ai préparé ma petite attestation. Hein. Et ce matin, j'étais étonnée, il y avait pas mal de circulation et j'aimerais bien savoir chez vous comment ça se passe. Est-ce que vous remarquez un petit peu plus d'affluence? Est-ce que les gens sortent un peu plus de chez eux? Voilà, donc ce matin j'ai pris la route, je suis arrivée au studio de Radio Gémozo après avoir tout désinfecté et m'être lavé les mains, et oui, les gestes barrières quoi. Eh bien je me suis installée avec mes petits CD, ma petite playlist. N'hésite pas à m'appeler et à me dire ce que tu aimerais bien que je passe et je verrai si j'ai ça sous la main. Notre standardiste sera ravi. Non, je suis con, du coup c'est moi. Je serais quand même ravie de t'accueillir, hein, avec grand plaisir. Et on commence tout de suite avec un coup de cœur, le titre Ilalo de l'artiste Chencha via Circuito. Désolée, j'ai pas pensé à bosser l'accent. Vous allez voir, c'est une vraie invitation au voyage. Et ben oui, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on peut pas s'évader. Je vous laisse vous lancer voilà, dans cette trépidante invitation. Dame claridad y tranquilidad, lucero de la mañana. Dame luz y dame calma, virgen de la madrugada. Dame claridad y tranquilidad, lucero de la mañana. Dame luz y dame calma, virgen de la madrugada. Dame claridad y tranquilidad, lucero de la mañana. Dame luz y dame calma. Chancha via Circuito de l'artiste Ilalo. Qu'est-ce que t'en penses de mon accent, Marion? On dira rien. J'ai avoué à nos auditeurs, voilà, j'ai pas pris le temps de bosser mes accents, et pourtant, bah, il faudrait quand même, tu pourrais me donner des petits cours, ça serait quand même sympa, même si je pense que voilà, certains sont habitués maintenant. Oui, ils sont habitués maintenant, mais non, par contre, je peux te donner quelques applications que j'utilise en ce moment pour apprendre l'anglais. Ah bah oui, ça c'est intéressant. Mais tout d'abord, on va déjà te présenter à nos auditeurs, hein, pour ceux qui t'auraient pas reconnu. Marion, eh ben, c'est votre animatrice qui vous accompagne tous les matins avec sa matinale de 8h30 à 9h. Bon, pas en ce moment parce que du coup, confinement oblige. Nous sommes en télétravail, voilà. Donc Marion vous retrouvera très prochainement. Et ouais, c'est plutôt intéressant. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui en profitaient avec ce confinement pour travailler certaines langues qu'ils auraient envie d'apprendre. Alors vas-y, on t'écoute. Ben, c'est ça, ouais, moi j'ai décidé de mettre ce temps à profit. Hein. Alors il y en a qui font leur jardin. On va avoir des jardins dignes de Versailles un petit peu partout en France. Hein. Bon, moi j'ai pas tant de choses que ça à m'occuper dans mon jardin, donc forcément il faut bien trouver d'autres occupations. Mmh. Et c'est vrai que j'ai décidé de me perfectionner un petit peu en anglais. J'ai quelques notions, mais c'est très approximatif et parfois même très flou. Donc du coup j'ai téléchargé deux petites applications gratuites. Cool. Gratuites, et il y en a une, donc c'est des petites cartes, donc on a des mots à apprendre, à mémoriser, à prononcer, à écrire aussi. Ouais. Donc on a 5 cartes par jour, et à la fin on fait une évaluation et on doit dire si eh bien on connaît le mot parfaitement, donc on clique sur parfait. Si c'est plutôt moyen, ben on peut cliquer sur bien. Et par contre, si on trouve que c'est vraiment difficile à retenir ou à prononcer, on peut cliquer sur difficile. Et les jours suivants, eh bien on a des cartes à réviser. Là où on a cliqué que c'était difficile, eh bien les cartes reviennent pour justement qu'on les réapprenne jour après jour. Ok. Et il y en a une autre, elle est un petit peu plus enfantine, on va dire. Mmh. Là, c'est vraiment plus sur des mots de vocabulaire à apprendre. Hein, donc, ce qui concerne le voyage, la famille, les achats, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est deux petites applications sympathiques. En plus, elles sont gratuites. Donc du coup, c'est sympa pour apprendre un petit peu l'anglais. C'est, allez, il y en a une, c'est moins de 5 minutes, et l'autre, on va dire, j'y passe, allez, 2 minutes. Donc, on va dire en tout 6-7 minutes par jour pour apprendre des mots d'anglais, des expressions. Donc, voilà, 7 minutes par jour, c'est rien, sachant qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc... Autant mettre ce temps à profit. Alors, balance-nous un peu le nom de ces applis. On veut savoir. Alors, celle qui est plutôt enfantine, c'est Duolingo. Oui. D-U-O-L-I-N-G-O. Ok. Et l'autre, c'est Mosalingua. Mmh. Alors après, il y a plusieurs langues. Donc là, moi, j'ai choisi pour apprendre l'anglais. Ok, parce que tu penses que tu n'étais pas encore assez calée. Tu voulais encore me mettre encore plus la honte quand tu reviens, c'est ça? C'est sympa. Alors, comment ça se passe un peu pour toi, ce confinement, un peu ce mode en télétravail? Qu'est-ce que ça change un peu dans ton quotidien? Bah, télétravail, donc là, pour l'instant, je suis en vacances, hein, cette semaine, mais avant, c'est vrai que les semaines passées, on était en télétravail. Mm-hmm. Donc, j'avais instauré une routine, hein, et puis on l'avait même instauré ensemble, puisque tous les matins, à partir de 10h, on s'appelait. Oui, quand j'arrivais à me lever. Voilà, pendant au moins 2 heures. Oui. Et avant, donc moi, je travaillais de mon côté. Donc, c'est vrai que voilà, je m'étais instauré cette routine. Et du coup, ça permet de pas perdre trop le rythme. Alors, il n'y a pas de réveil. Hein. Mmh. Le réveil a pas sonné depuis plus d'un mois maintenant. Mmh. Donc je me lève quand je me lève, mais je suis plutôt une lève-tôt, donc du coup c'est pas trop dérangeant. Mais voilà, c'est vrai que une routine comme ça, on perd pas trop l'habitude. Alors par contre, après, j'avoue que j'ai un peu perdu la notion des jours. Oui, c'est vrai. Des jours de la semaine, un peu des dates aussi. Si je regarde pas mon téléphone, je vous avouerai que la date, je la connais pas forcément. Nous sommes le jeudi 16 avril, il est midi 15 et nous sommes en direct. Voilà, ça c'était pour la date d'aujourd'hui. Si jamais, comme Marion, vous perdez un peu dans le temps, voilà, c'est important de garder un peu ses habitudes pour toi. Tu as besoin d'un rythme régulier pour préparer peut-être aussi la suite. Ouais, bah oui, parce que je pense que si on perd totalement le rythme, la reprise, et j'espère qu'elle se fera bien le 12 mai. Mmh. Oui. J'espère vraiment qu'on pourra reprendre, on va dire, une vie à peu près normale, même si elle sera pas totalement normale, à ce moment-là. Mais voilà, parce que sinon, si on doit reprendre le travail le 12 mai, mais qu'on se couche très tard, qu'on se lève très tard, ben, le jour où va falloir retourner au boulot à 8h du matin, ça va faire mal, n'est-ce pas, Lia? Ouais, bah surtout pour toi, direct, quand t'arrives, faut que t'enchaînes sur la matinale, et si tu commences à parler un peu comme ça, c'est moyen, pour donner voilà. La pêche aux gens. Voilà, donc du coup, c'est vrai que là-dessus, j'ai gardé le même rythme. Ouais. Le même rythme que quand je travaille. Je me couche pas plus tard. Mm-hmm. Bon, je me lève plus tard forcément parce qu'il n'y a pas de réveil à 6h15 du matin. Mais oui. Mais voilà, sinon après non, j'ai rien changé à mes habitudes à ce niveau-là, ni aux habitudes culinaires. Je mange comme d'habitude. Voilà. Il y a juste peut-être un petit peu plus de pâtisserie qu'avant, et encore pas tant que ça. Par contre, les Français, oui, se mettent à pâtisser parce qu'il n'y a plus de farine dans les rayons. Ça, c'est vrai, plus de farine, plus d'œufs. Bon, quand on va dans certaines coop bio, on arrive à trouver des œufs un petit peu du coin, et c'est vrai que j'aurais pu en parler dans cette émission. On favorise les circuits courts et les petits producteurs locaux, s'il vous plaît, pour l'après, hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont être en difficulté, beaucoup d'entreprises, de petites boutiques et de producteurs qui vont être en difficulté. Alors surtout, prenez soin aussi d'eux en allant consommer, voilà, en prenant vos produits directement chez eux. Et puis, c'est bon pour la planète, quoi, voilà. C'est ça. S'il y avait quelque chose qui te manque le plus, ça serait quoi? Enfin, qu'est-ce qui te manque le plus, en fait, durant ce confinement? De ne pas pouvoir sortir comme on veut. Mm-hmm. Toujours dire « Ah, ben, j'ai mon attestation, déjà. Hein, » Parce qu'il faut quand même pas l'oublier. Qu'est-ce hein que c'est anxiogène, ce truc-là? Tu pars, tu oublies, il faut que tu reviennes. C'est quand même quelque chose. Donc, voilà, avant de partir, il faut se dire « Est-ce que j'ai mon attestation? Oui. Est-ce qu'elle est remplie correctement? Oui. J'ai mon gel hydroalcoolique? Oui. Si je dois aller en course, est-ce que j'ai bien mes gants? Oui. Est-ce que j'ai bien un masque? Oui. » Donc, voilà, ça, c'est des choses où, franchement, on s'en passerait. Oui. Après, c'est pour le bien de chacun, donc voilà, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Après, ce qui me manque, c'est par exemple de ne pas pouvoir aller à la salle de sport. Oui. Parce que j'y allais au moins deux fois par semaine, donc c'est vrai que ça manque un peu. Et puis, le contact avec la famille aussi, ça manque beaucoup. Ouais. Eh ben oui. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Il y a beaucoup, en plus de l'apprentissage des langues, c'est vraiment pour moi l'apprentissage des langues, il faut que je fasse quelque chose. En plus de l'apprentissage des langues en ligne, il y a beaucoup de personnes qui suivent des cours de sport, etc. Peut-être que vous en faites partie. Hein. Dites-nous en plus au 03 29 62 40 40. Venez partager avec nous votre nouveau quotidien. Et si tu avais un coup de gueule, Marion, à passer aujourd'hui, ça serait quoi? Alors, un seul. ça a l'air de s'être un petit peu calmé, mais c'est vrai qu'au début, on voyait beaucoup de personnes qui avaient du mal à respecter le confinement. Mm-hmm. Là, ça a l'air d'être rentré un peu plus dans la tête des gens, mais ce qui m'énervait, Ouais, au tout début, c'est quand on voyait, notamment à Paris, parce que c'est là qu'il y a le plus d'habitants, donc les quais de Seine bondés, enfin voilà, tous ces gens dehors, tous ces gens qui disaient oui, mais on est jeunes, on n'est pas concernés par ça, alors qu'on voit qu'il y a des enfants qui en meurent, hein, de cette saloperie. Mm-hmm. Donc on est tous concernés. Il y a même un nouveau-né qui est infecté par le coronavirus, donc. Donc tout le monde peut l'avoir, tout le monde est concerné. Donc moins les gens respecteront ce confinement, et bien plus la date de sortie sera tardive. Et oui, c'est sûr. Donc il faut que ça rentre dans la tête des Français. Je sais qu'on n'aime pas trop suivre les règles imposées, hein, mais si on pouvait suivre celle-là et qu'on puisse reprendre une vie à peu près normale le plus rapidement possible, ce serait sympa. Moi j'ai la chance d'avoir une maison, donc un jardin, mais on n'est pas tous dans le même cas, hein. Il y en a qui sont dans des appartements, c'est compliqué pour eux, faut respecter au maximum, et ouais, c'est ça qui m'énervait, qui peut encore m'énerver par moment, surtout quand je vois des couples aller faire leurs courses ensemble dans le magasin. Oui. Je suis désolée, vous n'avez pas besoin d'être deux pour faire des courses. Moi, je fais mes courses toute seule. Donc si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Hein. Donc voilà, les couples, non. Non, ça, je suis désolée, mais non. Ben voilà, c'était le coup de gueule de Marion. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Du coup, pendant que tu me parlais, ça m'a fait penser à un petit son. C'est 10 commandements de The Special. Donc, on va écouter ça tout de suite. Je pense que c'est quelque chose spécial confinement. J'espère que ça sera pas trop spécial pour nos oreilles. Au cas où, je baisserai le son et je reprendrai le micro immédiatement. Pas de panique, ça va. Je suis en freestyle complet. Ne l'oubliez pas, chers auditeurs. Marion, je t'embrasse très très fort. Gros bisous de loin. Voilà, gros bisous de loin. On en profite, voilà, on balance nos bisous aussi. Peut-être que vous avez envie de passer des messages à des personnes que vous ne voyez pas, mais qui sont vraiment très très présentes dans votre cœur et dans votre tête. Et ben, c'est le moment. Appelez-nous à Radio Guémozo, 03 29 62 40 40. On pourra faire passer des petits messages, des petits mots doux, parce que ça fait du bien aussi, hein. Exactement. Voilà. Gros bisous, Marion. Profite bien de tes vacances et puis on se retrouve très très bientôt. À bientôt. The commandments of I, Sophia Khan. Thou shalt not listen to Prince Buster or any other man offering kindly advice in matters of my own conduct. Feminazi or a femoid, and then see if I give a stinking shit. Pseudo intellectuals on the internet, they tell me I'm unhappy because I'm not feminine, failing to consider that I may be unhappy because it's 3 a.m. and I'm in the depths of YouTube watching them. Whining. Thou may catcall me on the street, but thou should take note that I'll catcall you right back to tell you that you look pretty sexy too in your joggers, or your suit, or your newfound look of confusion. Or use man-made ideals like PARS. Don't you realize that you're only making a fool of yourself when you ask, why don't you wear makeup? Is that what it takes to impress a bloke whose brain is made up of promises of curvy size zeros and anti-gravity tits? She deserved it, because her skirt was too short. She walks home, streetlights illuminating her as a target. But she started it because she looked at him, and he finished it because he wanted to. And they'll bring out her skirt as exhibit A before the judge, and she should have the right to say, thou shalt not tell me what to wear, nor how to wear it. Heard. The commandments of I, Sophia Khan. Pseudo-intellectuals. Vous êtes sur Radio Guémozo, il est midi 26, on vous souhaite un très très bon appétit pour ceux qui sont en train de manger, peut-être, voilà, il est bon de garder ses habitudes comme Marion nous en parlait juste avant, et là, je suis submergée d'appels, voilà. Avec nous au téléphone, eh bien Chris, bonjour. Salut Lia, bonjour à tous. Comment ça va? Bah ça va et toi? Bah ça va super. Alors Chris, voilà, anciennement notre service civique que vous avez entendu très souvent sur la radio, sur nos ondes, avec toutes sortes d'émissions et de chroniques multiples. En ce moment, qu'est-ce que tu nous proposes d'ailleurs comme chronique sur RGM? Pour l'instant, c'est une chronique sur le parcours. Ouais. Le parcours et le free running. Ok, tu nous balances tous tes attraits comme ça, sans scrupule. C'est ça. T'as bien raison. Alors voilà, bah, c'est sympa de nous appeler, de nous faire un petit coucou à l'antenne. Ne soyez pas frileux, faites comme Chris, appelez-nous. On ne mange pas, au contraire, ça nous fera bien plaisir. Comment ça se passe, Chris, toi, du côté confinement? Comment ça se passe dans tes habitudes? Bah, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va un petit peu moins, donc j'essaye de, on va dire, de m'occuper comme je peux. Après, au niveau de mes habitudes, ça a pas trop changé parce que je suis plutôt casanier d'habitude. Donc, ah ouais. Bon, voilà. Mais aussi, oui, c'est vrai que le contact, ça me manque, le contact des gens, même aller à la radio, de ne plus pouvoir y aller, c'est assez difficile. J'y pense beaucoup, beaucoup trop même. Ouais. Donc, voilà. Et ben oui, c'est. Donc, voilà, mais après, c'est bon. Je me dis que c'est temporaire. Mais oui, et puis c'est pour mieux se retrouver. C'est ça. Donc du coup, quand tu as des petits coups de mou, peut-être comme certaines personnes qui nous écoutent là en ce moment, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux, pour te redonner un petit coup de boost? Bah justement, j'avais justement eu un coup de mou, j'allais dire un coup de boost, non, un coup de mou, avant-hier. Ouais. Et donc j'ai fait du sport, et puis après ça allait mieux, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que quand t'as un coup de mou, t'as envie de rien faire. Bah oui, c'est vrai. Donc voilà, donc quand j'ai un coup de mou, j'essaye de faire du sport, parce que ça fait du bien, ça libère plein de choses, donc ça fait du bien pour le moral. Quoi. Et oui, et puis ça libère des endorphines, le sport c'est bon pour l'humeur, tu as tout à fait raison, et on en parlait avec Marion tout à l'heure. Alors elle est plus dans l'apprentissage des langues étrangères, d'ailleurs c'est vrai qu'il faudrait vraiment que je m'y mette, mais voilà. Et il y en a d'autres comme toi qui se lancent plus dans des activités sportives. Tu fais comment? Tu vas sur des sites en ligne, des applis, comment ça se passe? Je vais sur un site internet très connu de vidéos, je sais pas si je peux le dire. Bien sûr. YouTube. Ah, YouTube. Je vais sur YouTube, genre, il y a quelqu'un, un mec que je connais qui fait des vidéos comme ça, sur, ouais. De muscu. Donc je regarde ses vidéos et puis je suis ses exercices, ses consignes, tout ça. D'accord, c'est plutôt sympa. Et du coup, est-ce que tu en fais une routine? Ouais, on va dire que j'essaye de maintenir... de faire 2 jours d'affilée, ensuite je laisse une journée de repos, et puis après je reprends 2 jours, une journée, etc. D'accord. Et il y a quelque chose... pardon, excuse-moi, je te coupe en plus. Il y a quelque chose que tu fais vraiment de façon très récurrente, c'est écrire, parce que voilà, on n'oublie pas que toi, tu es côté branché, côté littérature, et j'espère bientôt que tu pourras nous reproposer à la rencontre d'auteurs ton émission mensuelle où on pouvait découvrir toutes sortes d'auteurs et de littérature différentes. C'était quand même plutôt bien sympa, mais il faut savoir que toi, tu écris aussi, et en ce moment, bah, ça y va plutôt fort, non ? Ouais, j'essaye, bah, comme tu le sais, sur les réseaux sociaux, j'en parle beaucoup. Ouais. J'écris un jour sur deux, à peu près, ça dépend le nombre de pages, si l'inspi elle est là ou pas, mais disons que j'essaie d'écrire, allez, 4-5 pages tous les deux jours. Ouais. Voire même des fois une dizaine de pages. Voilà, après là, je suis à. Pour le troisième ouvrage, oui, car j'en ai déjà deux qui sont sortis, hein, n'hésitez pas à les acheter. Et bien sûr, et nous ferons une émission sur ton deuxième ouvrage dès que possible, d'ailleurs. Ouais, voilà. Ça serait bien. Et donc, pour le troisième ouvrage, on va dire que je suis à 70 pages pour l'instant. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que cette situation-là qu'on vit en ce moment, elle t'inspire un peu pour écrire, ou vraiment c'est un moment où tu te vides complètement la tête et de tout ce climat un peu spécial qu'on traverse et tu pars complètement dans autre chose ? Non, en fait, quand je pratique donc mes passions, donc mes différentes passions, donc l'écriture et d'autres, disons que je me mets dans ma bulle. Ouais. J'oublie tout ce qui se passe à l'extérieur et je me mets dans ma bulle pendant quelques heures et après j'essaie pas trop de m'attarder sur la situation actuelle pour quand j'écris ou quoi que ce soit d'autre, parce que bon, on en entend assez parler. Oui. Donc voilà. C'est vrai, d'ailleurs nous on est là, eh ben, on vous en parle un petit peu, mais on est aussi là pour vous faire du bien, pour partager avec vous, et voilà, pour vous faire passer un bon moment, et j'espère que c'est le cas. Et si tu avais un petit message à passer à quelqu'un que tu peux pas voir en ce moment, ça serait qui et quoi ? Oula, bah, y a beaucoup de gens que j'aimerais voir, et voir, revoir, tout ça. Mais ouais. Je sais pas, là, j'ai une personne qui me vient en tête, ce serait de... Je vais pas la citer parce que bon, voilà, c'est... D'accord. Elle écoute pas de toute façon. Donc, ah bah bravo. Oui, ça okay. Serait de continuer à rester chez elle et à s'occuper. En fait, c'est un message un peu général, quoi. Restez ouais. Chez vous. Comme j'aime bien dire, ne pas jouer les Rambo. Ouais. Ne pas sortir comme j'entendais avec Marion tout à l'heure quand on parlait, sortir dans la rue main dans la main, tout ça quoi. Oui, mais c'est des gens qui habitent déjà ensemble par exemple. Bah ils restent ensemble chez eux, parce que bon après je veux dire sortir dehors pour se balader ou quoi que ce soit, ça met pas seulement en danger eux, ça met aussi en danger les autres. Ok. Donc voilà, parce que là même du côté de chez moi j'en vois des impressions d'avoir de plus en plus qui sortent soit en voiture ou à pied, donc bon. C'est vrai que moi aussi j'ai remarqué que là aujourd'hui et ces derniers jours, mais il y avait plus d'actions dans les rues. Je sais pas trop, j'ai pas trop suivi parce que on est encore confiné jusqu'au 11 mai. Alors après on peut pas savoir ce qui se passe dans la vie des gens, on peut pas savoir pourquoi ils sortent, etc. Mais moi aussi j'ai trouvé qu'il y avait plus d'actions et j'aimerais bien que vous auditeurs vous nous en disiez plus sur là où vous vivez par exemple. Je vais te faire la même question qu'à Marion. Si c'est quoi qui te manque le plus là en ce moment dans cette situation? La radio. Ok, la radio, ben, nous aussi, ouais. Hein, tu nous manques beaucoup. Et si tu avais un coup de gueule à passer, à part les gens qui se tiennent la main dans la main dans la rue, ça serait quoi? Un coup de gueule à passer? Ou un coup de cœur, on sait pas. Un truc à dire, quoi. Là, tu me poses un peu une colle, hein, parce que... Ah ouais, c'était un peu le but. Ouais, parce que... Ah d'accord. Non, tu sais pas. Par exemple, ceux qui font... enfin, après, je les critique pas, mais j'en vois de plus en plus également faire du jogging. Ouais. Mais qu'avant le confinement, ils n'en faisaient pas du tout, quoi. Enfin, je ne voyais pas, en tout cas. Ouais. Donc, je ne comprends pas pourquoi utiliser la situation actuelle où... Ah, si, tiens, j'ai un coup de gueule qui me vient en tête. Ah. Pourquoi s'amuser à venir piller des magasins, des trucs comme ça, selon la situation actuelle? C'est totalement con. Ah ouais, il y en a qui en profitent pour voler? Oui, j'en ai vu qui s'amusent à voler, ou à, que ce soit des pharmacies ou des magasins, des trucs comme ça. À cause du confinement, ils s'amusent à voler. Je sais pas trop si on va dire, j'ai plus le mot en tête, mais oui, ils volent, ils saccagent certains endroits. Donc pourquoi faire ça? Ça, c'est totalement con, quoi. Ah bah ça, c'est sûr. On respecte tout le monde, on respecte les gens, on respecte les entreprises, les boutiques, les commerçants, etc., qui en bavent déjà assez en ce moment. C'est pas la peine d'en rajouter, mais c'est vrai qu'il faut trouver des occupations saines. Et moi, bah, je trouve que le jogging, même si les gens y couraient pas avant, bah, c'est plutôt sympa. Il faut se mettre dans le sport. Et puis voilà, en plus, il fait beau. Tant que les gestes barrières sont respectés et que voilà, tout le monde est en sécurité, eh bien, faites-vous plaisir, mettez-vous un petit coup d'endorphine. Ouais. Moi, c'est ce que je dirais. Quoi, bah, après, voilà. C'est vrai, le jogging ou même la muscu, tout ça, parce que quand en confinement, on est vachement sédentaire. Ouais. En gros, on mange comme d'habitude, tout ça, sauf qu'on fait plus aucun effort, on bouge plus. Donc, même si on mange comme d'habitude, bah, on gonfle. Donc, ouais, c'est, oui, après, bouger, oui, c'est important, mais voilà. Enfin, le jogging, la muscu, tout ça, c'est important pour se maintenir en forme et pour pas devenir une boule, quoi. Bah oui, c'est sûr. Et puis ce qui est important aussi, eh ben, c'est de se faire plaisir musicalement, se faire plaisir aux oreilles. Moi perso, pendant ce confinement, eh ben, je ne fais qu'écouter de la musique. Je me lance des trucs nouveaux, je me lance des trucs anciens, je me lance des trucs qui me font vibrer. Je me lâche dans ma cuisine, dans ma salle de bain ou partout d'ailleurs chez moi, parce que voilà, ça fait du bien. Et puis en plus, bah, moi je suis pas trop sportive et voilà, quand je danse, bah, j'ai l'impression de faire du bien à mon corps, en plus de faire du bien à mon esprit. Et là, tout de suite, je vais vous lancer un son. C'est un artiste que j'adore. C'est Guts pour Mika Gyami avec Voom Voom. Alors, désolé, comme je vous le disais, j'ai toujours pas bossé les accents, mais j'espère que vous vous tapez des bonnes tranches de rire, parce que ça aussi, ça fait du bien au corps et à l'esprit, à la maison. Et puis, Chris, bah, je t'embrasse. Je te dis à très, très bientôt. Merci de nous avoir appelés, de nous avoir fait un coucou voilà, auditivement. Et puis, à très bientôt pour un gros câlin et puis pour une vraie visite. Hein? Ouais, d'accord, allez, à bientôt et prenez soin de vous, c'est important. Ouais, prenez soin de vous, fais plein de bisous chez toi et puis voilà, tiens le coup, continue d'écrire, fais du sport, fais des trucs qui te font plaisir et voilà, ça c'est cool. Ok, ça marche. Gros bisous, à bientôt, je vous laisse avec ce son que j'ai envie de vous faire découvrir et on se retrouve tout de suite après. Ça va ? Omukashi yamye. Omukashi yamye Yoso kitu fwanji mwene utulanga. Omukajamye Ene nando jetwe nyane twe kolenwe. Omukajamye Mwenukajamye Omukajamye Olenwe Mwenukajamye Omukajamye Mwenukajamye Omukajamye Olenwe Mwene tete mwa diamanyanu ya mye. Mwene wabiluka dikamba diami ya kubanda. Mwene njangu ya mi ya kushukulo njila ya mye. Eye mukashi ya mi oyima yoso ya mwenu wa mye. Mukashi ya mi mwene lono mwenyu dipanda ya mye. O mukashi ya mye. Kamba diami ya kubanga. Mweno njangu yami ya kujukulo njila ya mye. Eye mukashi yami oyima yoso ya mwenu wa mye. Mukashi yami mwene lolo mwenu dipanda ya mye. O mukashi yamye. O mukashi ye. Ene nando je kwenye. Voilà pour ce petit son que j'avais envie de vous faire découvrir. J'espère que vous êtes bien déhanchés la maison. Il est midi 40, peut-être que vous êtes en train de préparer à manger. C'est vrai qu'on fait les choses un petit peu plus tardivement, en tout cas au moment où on a envie en ce moment. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, appelez-nous pour nous dire ce que vous mangez, ce que vous préparez à manger. Faites-nous saliver. Moi, j'ai pas encore mangé ce midi et ça me ferait bien plaisir de vous entendre. Alors, on va repartir un petit peu sur un autre sujet. Il y a toutes sortes d'actions qui se mettent en place en ce moment, culturellement, artistiquement, qui se mettent en place à distance, parce que confinement oblige, on ne peut plus se rassembler. Je pense à la compagnie des Jolis Mômes qui poursuit ses actions à distance, une fiche théâtre confiné et des exercices pour ne pas perdre la main. Il s'agit de jeux théâtraux à faire à la maison, seul ou en famille, à découvrir sur, attention, prends un stylo, une feuille et sois très concentré car c'est très très long, http://compagnie-des-jolis-mômes, jolis et mômes avec un s.fr/fiche-hebdo/. J'espère que tu as bien tout compris. Si jamais tu as un doute, n'hésite pas, appelle-nous, je te redonnerai le nom du site. Donc voilà, il propose des exercices, des jeux théâtraux et un défi vidéo par semaine. La compagnie lance ce défi à faire par semaine, théâtral bien sûr, à réaliser en vidéo. Et après, ils en montent un petit clip avec l'ensemble des participations. Et ça, c'est plutôt sympa. Cette action, elle s'adresse à tout le monde, hein. Ceux qui participent habituellement à leurs actions ou pas, et vous pouvez retrouver toutes ces informations, si j'ai été un petit peu trop rapide, sur leur page Facebook Compagnie des Jolis Mômes. Il y a également la maison de l'étudiant qui transforme leurs 12 heures de l'étudiant avec les 12 heures du confinement. Ça se passe du 20 au 24 avril. Et vous attend une multitude de challenges, comme par exemple, ça m'a fait trop rire, un challenge jonglage avec du papier toilette. Oh la vache, je la refais. Un challenge jonglage avec du papier toilette, un 3 km tapis dans votre appartement, ou une course de radeau et ou épreuve de flottaison. Alors là, c'est le moment de décupler son imagination, fermez les yeux. Imaginez-vous au port, sur le canal ou au plan d'eau. Il fait beau, l'eau clapote, vous êtes sur la ligne de départ, feu ramer et dégommer votre concurrent. Le plan d'eau, cela peut être votre baignoire, un seau, une bassine ou pas. Mettez à contribution votre famille et un bonus sera attribué si vous étonnez. Une autre épreuve est un challenge miam miam, la recette du confinement. Révélez le ou la chef cuisinier qui est en vous et partagez vos recettes. Et oui, d'ailleurs, il est quand même l'heure de manger. Alors moi, j'attends quand même que vous me partagiez tout ça. La maison de l'étudiant Épinal, vous retrouverez toute la liste des challenges qui vous attendront. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa quand même d'un petit peu de valoriser ce moment de confinement pour s'éclater avec plein de monde qu'on ne voit pas. Pourquoi pas, je trouve ça plutôt sympa. Vous pouvez aller sur leur page Facebook, la maison de l'étudiant Épinal, où vous retrouverez tous les challenges qui vous ont préparés. Je vais y arriver. Alors, on continue avec quelques sons tout droit sortis de mes petits CD. On commence par Postman de Mélissa Lavaux. Un vrai coup de fraîcheur assuré. Moi, je vais en profiter pour boire un coup. Excuse-moi, qui a dit que je parlais trop là ? We'll be right back. millions floor. Caters to the young, caters to the poor. Love of the sun is all I can afford. Better than what I thought. Better than what I thought. Better than what I thought I had before. Better than what I thought I had before. Before. Know it from my kin, my own words ignore. I tried bleeding out the pain I hid. Still, normal guys that grew up around savages. It's a miracle and a blessing for how we managed it. Middle ground is for the lucky ones. Others were sucked in, others victims, and others got knives tucked in. It was rare to see fathers, so naively we celebrated males taking their kids out, when really it was just due responsibilities they were carrying out. In my local, not many real men, just well-armed guys on four wheels of shiny things. Subconsciously they show boys a walkway to treat women. So we have child men with the wrong approach and little respect. Age does not breed wisdom or maturity, cause if it did, we wouldn't have guys screaming free the gang at 30. I'm the peacemaker, but if it gets sticky, I think twice before calling guys from my local, cause they'll aim for the chest, vocal, and end up in the box. Think about it. Savages. It's a miracle and a blessing for how we managed it. Middle ground is for the lucky ones. Others were sucked in, others victims, and others got knives tucked in. Free the real and free the mind. Hackney is a gentrified landmine. Mind your step, don't get drawn out, it still goes off. You know how it goes. Don't let your pride get you turned off. Always the guys that went on nothing growing up, that switch up in the kitchen with a culinary skill, chefing up, flexing the streets. But this is for the lucky ones, guys in the middle, the ones that can tell the real from a mile away, the ones that can see a situation going left straight away, the positive guys doing great things, the ones that find tracksuit wearing private school tough guys hilarious. The ones showing that other guys have changed their surroundings, cause we're all just products of our environment. Voilà, tu es de retour sur nos ondes Radio Guémozo pour une émission exceptionnelle aujourd'hui. Non, je rigole, j'avais vraiment envie de me faire plaisir, voilà, de vous retrouver en ce moment de confinement. Voilà, le micro me manquait trop. Et puis toi aussi, auditeur, tu me manquais vraiment. Alors, je suis très très surprise. Je vois plein de réactions sur les réseaux. Je vois David qui me fait un petit coucou et qui me dit une belle émission. Eh bien, David, David, je t'embrasse. David, que vous pouvez retrouver sur d'ailleurs sa page Facebook avec ses petits livres pliés. C'est vraiment très sympa ce qu'il fait avec sa compagne. Je vous invite à aller regarder. Si tu peux nous donner un petit peu le lien de là où on peut regarder ce que tu fais, David, ce sera avec plaisir que je transmettrai l'info. En parlant d'info, il faut vraiment que je travaille mon élocution. Il y a quelque chose quand même. Hein. En parlant d'info, Vincent nous dit que le garage Vincent Moto est ouvert à Domartin-les-Remiremont. Et je vais y arriver. À Domartin-les-Remiremont, bah c'est une bonne chose de nous le dire parce que voilà, on ne sait plus trop ce qui est ouvert ou pas en ce moment, ce qu'on peut faire ou non. Vincent, le message est bien passé. Il y a Vivien qui nous fait un petit coucou. Vivien, je t'embrasse. Hein. Vivien qui est aussi un homme de radio, il me semble. Guy Oreo, alors je ne sais pas si c'est ton nom de famille, peut-être, peut-être pas, c'est rigolo. Je pense plutôt que c'est un jeu de mots, mais en tout cas, Guy, on t'embrasse aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre qui nous fait encore un petit coucou Benoît qui nous dit Léa, c'est top ce que tu fais. Alors moi c'est Lia, mais c'est pas grave, je vais pas mal le prendre. On revient dès que possible avec toute l'équipe des Maussons. Ah oui, Benoît de la CESAD, du CESAD pardon, qui nous propose une émission avec ses ados, une émission sur les émotions que l'on peut passer à travers une chanson que l'on a choisie. C'est plutôt pas mal. Nous aussi on a vraiment très envie que vous reveniez sur nos ondes avec tous les jeunes. C'est vraiment un beau moment de partage. J'espère que tout va bien là-bas au CESAD et que vous prenez bien soin de vous. J'espère que mes petits sons, ils vous ont plu. Pas de panique si jamais vous les avez bien aimés. Je vous remettrai tous les liens dans le podcast de cette émission. Alors, je vais pas enlever tous les bafouillis, hein, parce que ça fait un petit peu partie du truc. Je vais la laisser telle qu'elle. Hein. On est en freestyle jusqu'au bout. Freestyle, on y est ou on n'y est pas. Moi, j'y suis. Allez, j'en profite pour vous passer un petit message de la ville de Saint-Étienne-les-Remiremont pour ses habitants. Alors, si vous êtes confronté à l'isolement ou si vous connaissez des personnes dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. La commune de Saint-Étienne-les-Remiremont a fermé son accueil physique au public, mais le standard téléphonique reste ouvert. De plus, le dispositif Mona Lisa, dont le numéro dédié est le 03 29 69 64 62, mis en place, peut vous accompagner. N'hésitez surtout pas à vous manifester. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'isolement en ce moment. Et voilà, nous, on est aussi là pour vous accompagner le mieux qu'on peut. Mais voilà, sachez qu'il y a des associations qui sont là aussi pour prendre soin de vous. Restez bien chez vous, mais ne restez pas isolés. C'est ce que nous dit la mairie de Saint-Étienne. Les Remiremont, c'est vrai, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va cesser, cette période. Alors moi, je ne suis pas trop télé, mais il y a des moments où il faut se faire un peu violence. Et ça a été le cas pour moi lundi soir dernier, lors de l'élocution de notre très cher président. Je ne vais pas vous faire un résumé, une rétrospective. J'insiste. On l'a tous entendu. Festival et toute manifestation interdite jusqu'à mi-juillet. Alors certains n'ont pas eu d'autre choix que d'annuler. Je pense par exemple aux Imaginales d'Épinal. La Souris Verte a décidé de clôturer sa saison, mais travaille toujours en télétravail et d'arrache-pied pour vous proposer une programmation éclectique faite de découvertes et de têtes d'affiches et de locales, comme ils savent très bien nous le proposer. Ou parfois certains décident de décaler, comme la 3e édition d'Épinal Tattoo Show qui est reportée au 28, 29 et 30 août de cette année. D'autres sont encore dans l'incertitude, comme le Green Festival. Voilà, qui devait accueillir entre autres Yannick Noah sur la commune de Taon, Chavelot, dans les coins là-bas. Eux sont en train de voir décalé, je vais y arriver. Je pense qu'on fera des petites émissions, des petites interviews téléphoniques pour faire parler un peu tous ces acteurs locaux qui ont des choses à nous dire sur les événements qui nous attendent. Par exemple, d'autres Chez nous, il y en a quand même qui gardent le moral et ils ont bien raison. Et je pense à toute l'équipe du festival Le Pied Orange, de l'association Rock Live et de chez Narcisse qui souhaite vous transmettre cette information, le maintien du festival Le Pied Orange 2020. Alors des adaptations seront apportées et communiquées bientôt, mais voilà ce qu'ils peuvent déjà nous dire, tout se passera en extérieur. Ils travaillent désormais pour vous dévoiler une nouvelle programmation adaptée au plus proche de la situation et de la réalité. Et je cite, si quelconque capacité de rassemblement est autorisée, 100, 200, 500, 1000 personnes, nous occuperons ce créneau et proposerons quelque chose, quitte à tout modifier, nous sommes flexibles. On vous proposera une émission spéciale comme chaque année, dès que possible. Voilà, on y est, autant y rester. On va s'écouter quelques disques. On commence justement avec une artiste que Victor m'a fait découvrir et pour qui j'ai eu un immense coup de cœur. C'est l'artiste Pango que l'on écoute avec son titre Kuzola. En attendant, je vous attends au standard, c'est le cas de dire. Allez, sois pas timide. Coup de cœur, coup de gueule, viens nous en parler. Viens nous dire ce que tu aurais aimé entendre, par exemple, comme nouvelle décision concernant cette crise. Hein. Qu'est-ce que toi t'aurais dit à la place de notre président Macron, par exemple, hein? Et puis voilà, dis-nous tout. 03 29 62 40 40, je t'attends. Sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A crioula que cuia tia mate beija pra viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu. Menina, menina, muita banda. Mas me deixaste aqui chorando sozinha na nossa cama. Amendo com sole, ai, amendo com sole, tá me doer. Sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A crioula que goia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Por causa da outra carina, meu amor me deixou. folks falling like rain. Property got me selling things, guess I'm gonna explain. Jane is rolled up, no gangs beats rolled up. But still Andre got action, they sweat like keep all of my teeth. I take it upon myself to handle mine, thinking that you got several times to do this. Have you shot up, thought you knew this? I'm crumbling, no time for problems. Selling my sacks, watching my back, wetting them up like slish. Leaving them in they slash, a foot. The clock is ticking, niggas from my block is missing. I'm putting it down like it be hot before we all get shot. Got only so much time in this bastard. Better be claiming broke, but I be saying they procrastinating. Settling for less, better be ready when they roll up in your nest. And sink one in your chest, and you's gone. Up out of here for good. Y'all be bobbing back and forth to let me know you understood. Yeah, what's up? There's so much time left in this crazy world. I'm just crumbling there. There's so much time left in this crazy world. So check me out, see, once in a while when niggas be trying to test me, I get frisky, grab a pint, I'm going in whiskey, then they swing, but shit, they miss me, huh? I'm getting nice with them things, because I do like that, you heard me on the radio, and yes, my man, I'm true to that. I run my lyrics the way y'all wanna hear them, and shoot my dice against the bricks the way y'all wanna flick them. Niggas a ring around the roses, diamonds around my neck, from flexing, but I'm running niggas over like a 94 Lexi Tesla. 10 millimeters, count them, nigga, fuck a 9, see, I added a millimeter for y'all niggas doing crimes and drive-by. Kiss your ass, bye-bye, sayonara suckers. I flip the script and turn the page, it's getting your motherfuckers. Be popping shots like them hoes be popping coochies, and I still be spreading bullets like them freaks be spreading cooties. So look at niggas, I'm hunting Red October. I set my shit and ran my lyrics, and now my verse is over. There's only so much time left in this crazy world. I'm just crumbling there. I'm just crumbling there. Niggas killing niggas, they don't understand. I'm just crumbling there. I'm just crumbling there. Woo! Big boy got a type of nugget plump box. It's empty. That's what the earth be dropping. It's simply marvelous. Time is ticking. But some of the time when I be laying vocals in the dungeon, sugar bet and won't be smoking ounces like it ain't nothing. It ain't shit to take another hit. So hit it up the cannabis, achieve a weed reefer. Yeah, smoke shit. It's all they added till they label me deceased. So fire up another one and smoke out and fuck a world peace. We is gonna smoke out until we choke out like some merry men. Cowards I be burying. Coming around my trap, but that's the nigga. You get nothing. Just like DJ do the cut, and I be having your posse ducking. Nothing but king shit. I am asking, sucker, can you hang? That player with the pepper throwing salt off in your game. Sprinkle, sprinkle, motherfucker, don't be crying on me. That's something that's me in my chest until I'm chilling in peace. Yeah. There's only so much time left in this crazy world. Coming in like two fat hoes sitting off on cornflakes. Dropping these things like french fries and hot grease. Big gift, get them all, PA Outcast, the J-O-Y. Just let y'all niggas know, forever pimping, never slipping. That's how it is, that's how it's gonna be. That's how it was in the past, that's how it's gonna be in the future, nigga. It's all day and day, so what you wanna do with it? Bring that shit on, know what I'm saying? Yeah. There's only so much time left in this crazy world. man the rocks with a capital G. Ball in the beat, status Chris Paul or John Wall in the league. Grab a mic till the knuckles will bleed, cause I believe the potent and I'm potent. Have you geek like speed? If rationale is natural, I will weave. It's all edges and peace, setting press free on a permanent steeze. I'm in the world where my princess is player. Ain't you feeling my Vader? And my lore grows greater and greater. Kim trails, dropping poisonous vapors. Have you shaking like Gator? Been chill, nigga, process to data. Blu-ray, wait, follow a beta. I DVR through later. Cop a monster with a G, I'm a waiter. You can't define us X, Y, Z, Z. It's a generational elitist. Have you cheating virtual think pieces? See these written words from medical science. Brains defiant, thoughts heavy, baby, they're a major appliance. Leave a tan when dropping to flyness. Do a giant, dude's nice, he tight screwed in with some pliers. Cool with some buyers, yeah, nigga, cool with some growers. Never know tattletales, only I don't know us. Yeah, show me generation, show us what you gon' show us. So listen, mommy, see, we could collude with a boy. Mouthpiece like coins with a jubilant noise. Dude's rude and as useless as coins. Shoot them boys, versed and rehearsed in the soothing of loins. Talk to Joey Earl, Kendrick Cole, gatekeepers of flow. They are extensions of instinctual soul. It's the highest of commodity grade, and you can get it today. One hit and reading pages of Poe. Telly is low, cuddle bunny ready to go. Day of the dead, bury all the zombies instead. And it's just your aftermath, Buster cutting your dreads. Bruce Lee and niggas, Ryo niggas, UFC. Smoke trio niggas, sizzle out your USB. Surge pricing on these Ubers, I'ma get me a cab. Yo, where'd Jerome be at? Vibing on impeccable grass, I be in my seat, waiting for that law to pass. Cash, been waiting for a Ted's title since last. Richard Todd, Todd Bowles, gangrene on that ass. Magic Mike on the mic, David Blaine Douglas Henning. In the church of Buster Rhymes, it's my sermon, you get it. Horizontal spitting, I'm the exorcist of your witness. Don't interrupt me, nigga. Sorry, that's a sin unforgiven. Like how we be skipping on bees like cooking crack in the kitchen. Wait, just start the package, dry it back up to wet. This man city's not a game, easy, quiet on set. Fight student of the past, trailblazing the day. Not acknowledging a trend, I swept up in a phase. We still the highest of commodity grades. And you can get it, get it, get it, get it, get it today. Hey, c'était sympa ça, A Tribe Called Quest. Franchement, moi j'aime beaucoup ces sons, j'espère que vous aussi. J'espère que je vous fais plaisir un petit peu aux oreilles et que vous en profitez pour vous faire du bien au corps en vous déhanchant. C'est l'occasion. Alors on a eu encore un petit appel, Vivien est avec nous au téléphone. Vivien, bonjour. Bonjour Lia, bonjour à tous les auditeurs. Comment ça va? Bon, écoute, ça va très très bien, je te remercie, et toi? Ah bah ça va super, moi je me fais vraiment plaisir, j'espère que les gens ont autant de plaisir que moi à partager ce moment que j'ai prévu de faire là aujourd'hui. Je me suis lancée complètement en improvisation, mais il me semble que toi, tu connais ce monde de la radio, hein. J'ai passé ton petit coucou sur notre antenne tout à l'heure, mais j'aimerais bien savoir où est-ce que dans quelle radio tu es? Oui, exactement, je fais de la radio. Bah, en fait, ça fait pas très très longtemps, ça fait depuis septembre de l'année dernière. J'ai commencé en fait sur Radio Saint-Dié, ah oui, qui est une petite web radio. Ouais. D'ailleurs, j'en profite, hein, je fais un petit coucou à Frédéric, le boss de la radio. Eh ben oui, on embrasse Radio Saint-Dié. Nous, on est pour que toutes les radios se sentent bien en ce moment. Donc voilà, on fait un petit coucou aux collègues. C'est vrai que bon, ça manque un petit peu parce que moi j'ai pas l'occasion. En fait, j'ai pas l'occasion de continuer parce que la station de radio, en fait, elle est chez Frédéric, c'est ah à oui, son domicile. Donc du coup, bah comme avec le confinement, c'est vrai que c'est pas évident. C'est compliqué. Mais ouais, une fois que tout ceci sera terminé, franchement, Je pense que ça sera une des premières choses que je ferai, ce sera de retourner à la radio, parce que c'est vrai que ça commence à manquer, quoi. Ben voilà, quand et on puis, est en plus, j'étais en train de démarrer une nouvelle émission sur une autre radio, RCM, je ne sais pas si et oui, qu'on connaît, bien sûr, qu'on embrasse. Avec Vincent. Ok. Et ouais, c'est pareil, ça me manque un peu. Ben oui, tu m'étonnes, moi je te comprends tout à fait. Tu proposes une émission sur quel thème, du coup ? Alors du coup, on fait une émission en fait sur le thème des DJ, donc principalement de l'interview, puis ensuite du live. Génial. Donc en fait, le principe de l'émission, justement, c'est voilà, on accueille les DJ, quel que soit le niveau, quel que soit le matériel, etc., oui, à venir mixer chez nous. Ok. Donc on fait une petite partie interview, histoire ouais, de faire connaissance et puis de voilà d'apprendre à connaître de DJ en tant que personne. Et ouais. Et puis après on va passer à une session live. Donc le DJ, il a possibilité de venir avec son matériel, on branche le matériel et puis il peut venir faire sa prestation. C'est génial. Sa prestation en live, quoi. Ouais, c'est vraiment top, quoi. Bah, j'ai eu l'occasion de faire quelques émissions comme ça sur Radio Saint-Dié, parce qu'en fait j'ai déjà une émission sur Radio Saint-Dié qui s'appelle Absolute Mix. OK. Qui est diffusée un samedi par mois. OK. Et du coup, on a eu l'idée de faire une autre émission avec un autre DJ que je connais, qui s'appelle DJ Twan. Ok. Pareil, ça va ressembler un peu à Absolute Mix, sauf que ça sera vraiment que du live, quoi. Ouais, c'est super. Est-ce que vous vous filmez ça sera pendant sur les ondes d'RCM. Ok, donc ça passe en FM, mais est-ce que vous faites des petits lives via les réseaux, tout ce qu'on peut voir en ce moment? Est-ce que vous collez l'image un petit peu à l'audio ou vous restez vraiment à travers les oreilles des gens? Alors c'est beaucoup à travers les oreilles des gens pour l'instant, mais on a pour projet, oui voilà, on reste, on fait de la radio à l'ancienne, quoi. Eh comme ouais, on dit. Eh ben c'est bien, mais, ça. C'est ouais, ce qu'on aime. Mais ça viendra. C'est à l'étude. On a RCM, de toute façon, on a du matériel vidéo, donc ça viendra. En tout cas, on va s'y mettre petit à petit. Bah ouais, c'est un super projet. Surtout, n'hésitez pas à nous faire partager quand vous aurez fait des interviews, des émissions, que nous, on puisse aussi relancer l'info pour ceux que ça pourrait intéresser. Moi, je trouve que c'est un super projet. Puis perso, je suis fan de ce style musical. Donc voilà, quoi. C'est vrai que des émissions locales sur des musiques électroniques et tout, il n'y en a pas énormément. Bah, il y a tellement de choses, il y a tellement de courants musicaux qu'on a envie de mettre en avant, quoi. C'est ça. Et puis, je vais te une petite confidence, ça fait 2-3 ans que je pense à lancer une émission sur ce thème-là, mais j'avais pas les outils, j'avais pas les ressources, donc du coup j'ai un petit peu mis de côté, et voilà, moi ça me fait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui propose ça aujourd'hui aux gens, c'est plutôt super sympa, voilà. Et il me semble oui, c'est vrai qu'on en avait parlé en plus en ouais, message privé, ça me revient. Ouais. Tout à fait, donc tu viens chez nous quand tu veux. Bah avec grand plaisir, écoute. Je vais pas faire du démarchage, hein, pas de problème. Il me semble que tu travailles, toi t'es pas dans le télétravail, tu travailles toi encore, tu te déplaces. Alors, encore je travaille encore, bah en fait je travaille dans le service logistique à la papeterie de Clairefontaine. D'accord, ok. Donc du coup t'es un petit peu obligé de travailler, comment ça se passe quand on travaille dans ces périodes de confinement? Bon déjà il y a les personnes qui travaillent dans les bureaux sont télétravail. Après, bah, pour les personnes comme moi qui sont sur le terrain, bon, on fait un peu plus attention, on respecte les fameux gestes barrières. Oui. On porte, on a des masques en tissu, on a des gels hydroalcooliques, des lingettes pour désinfecter. Enfin, mais oui. Franchement, on est équipé à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et puis, comme je fais essentiellement du dépannage, oui, en fait, bah, je suis pas très souvent en contact avec les gens, quoi. Je suis souvent seul dans les entrepôts à dépanner, à intervenir sur les robots, etc. D'accord. Donc voilà, je ne suis pas spécialement à risque. Après, bah, j'ai une petite pensée pour les filles qui travaillent dans les bureaux puis qui accueillent les chauffeurs routiers qui viennent d'un petit peu partout. Oui. Parce que bah, ce qu'il faut savoir, c'est que on parle de fermeture de frontières et tout, mais en fait non, les routiers ils passent toujours, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, on est toujours approvisionné. Mm-hmm. Après, bon bah c'est sûr que l'usine elle tourne un petit peu au ralenti, mais voilà, on est toujours approvisionné, on a toujours des chauffeurs qui viennent d'un petit peu partout. Et oui. Donc forcément, bah oui, pour elle, ça impose une certaine voilà, il faut respecter au maximum les distances, porter le masque surtout, puis oui, et puis faire attention. Après voilà, on n'a pas vraiment eu de cas. Enfin, dans l'usine en général, bon, il y a eu des suspicions, il y a eu des cas. J'ai un de mes collègues avec qui je suis en contre-équipe qui a eu une suspicion de Covid, oui, mais qui est revenu d'ailleurs la semaine dernière. Je lui fais un petit coucou, Grégory il s'appelle. Coucou et Grégory. Puis, Et puis voilà quoi, ben sinon tout se passe bien, on fait un peu plus attention, voilà, on se lave un peu plus les mains, on se serre pas la main forcément, pas de bise, et puis les fameux gestes barrières. Mais oui, on embrasse tous ceux qui continuent de travailler, hein. C'est quand même pour nous qu'ils le font, et parfois ils ont pas vraiment le choix, et voilà, on leur tire notre chapeau, même si ils ont pas forcément choisi, ben nous on est derrière vous, on est avec vous, et on vous encourage très très fort. Qu'est-ce qui te manque le plus, Vivien, à travers toute cette situation, quelque chose voilà, que tu aimerais bien faire ou pas et que tu peux pas? Ce qui me manque le plus, c'est de sortir, d'aller voir les amis, forcément. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Justine, ma meilleure amie. Ouais. Et puis, ouais, c'est ça, en fait. Le fait d'être privé quelque part d'une certaine liberté, d'aller et venir, c'est ça aussi qui manque. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et est-ce que, je sais pas, tu as un coup de gueule ou un coup de cœur, un truc à dire à quelqu'un qui t'entend et que tu peux pas voir, à faire passer? Non, bah écoute, j'ai pas vraiment de coup de gueule. Après, des coups de cœur, j'en ai plein, ça serait vraiment trop long à énumérer. On va faire une émission spéciale, Vivien. On va rester 3 heures avec vous. Il va nous raconter tout ce qui se passe et voilà. Il va raconter tout ce qu'il a sur le cœur. Et ouais, d'ailleurs, je rebondis. Tu vois, c'était pas prévu, mais je rebondis. Je lance un petit projet qui s'appelle Confine-toi. Si toi, auditeur, t'as envie de partager un petit peu avec moi ce que tu ressens, tes émotions, ben pareil, tes coups de cœur, tes coups de gueule, un petit peu ta vision des choses à travers toute cette situation qu'on traverse aujourd'hui. Ben n'hésite pas. Ça se passe sur lia@radioguémozo. Je récolte ton témoignage et puis après ben, je ferai un petit best-of de tout ce qu'on m'a raconté et puis voilà, c'est un moyen de partager, c'est ça aussi hein, Vivien, qu'on aime dans la radio, voilà, que voilà, on aime bien partager, on aime bien voilà, on crée du contact quoi, et ça fait c'est plaisir. Ça, on crée du lien, on crée du contact, parce que c'est vrai que le lien social en ce moment, bon, bah, c'est un petit peu mort, donc heureusement qu'il y a des petites radios derrière qui permettent de maintenir une sorte de lien, quoi. Bah oui, c'est ça. Si toi aussi, comme Vivien, t'as envie de nous faire un petit coucou, de passer un petit message, 03 29 62 40 40, n'hésite pas, ça nous fera plaisir. Je devais lancer un petit son à la fin de cette émission, mais je vais le faire maintenant. Est-ce que tu connais Ours Sans Plus, Vivien? Je ne connais pas, non. Tu ne connais pas? Eh bien, franchement, il me semble que c'est un petit groupement de DJ. Mais alors, ils font un truc vraiment hors norme. Ils nous font un petit mélange de hip-hop à la underground avec un petit peu ce côté Jay-Z. Je vais vous laisser écouter tout de suite ce titre de Ours en Plus avec Bluebird. Et puis, on se retrouve juste après. Vivien, merci beaucoup d'avoir participé, de nous avoir fait un petit coucou. Ça fait plaisir. Avec grand plaisir, hein, plaisir largement partagé. C'est cool, on se tient au courant très très bientôt. Je te souhaite plein de bonnes choses, bien courage à travers toute cette situation et surtout un grand kiff quand tu pourras refaire un petit peu de la radio là, et que voilà, tu te diras waouh. Parce que c'est ça aussi qu'il faut penser, c'est dur pour l'instant, mais une fois qu'on va pouvoir refaire des câlins aux gens, qu'on va pouvoir... Ah, ça va être énorme. Ah ouais, ça va être carrément énorme, on va faire une grosse fête je crois. Ah, je pense, ouais. Une fois que le confinement sera levé, ouais, ça va être la fiesta. Ours en Plus avec Bluebird, le temps que je boive un petit coup parce que j'ai la voix qui s'enroue. Je vous fais écouter tout ça. On fait un petit coucou à tout le monde. On remercie bien Vivien et à tout de suite. se sent plus avec le titre Bluebird que je kiffe vraiment une découverte musicale incroyable. Je vous invite vraiment à vous lancer dans cet univers que propose Ours Sound Plus. Voilà, c'est un univers un petit peu jazz, hip-hop, swing, électro. Moi, franchement, je suis une pure adepte et j'ai de nouveau quelqu'un avec moi au téléphone. Il s'agit de Vincent. Vincent, bonjour. Bonjour Lia. Comment ça va Vincent? Bah écoute, confiné à Bussan, bon. Eh voilà. Ben oui, Vincent que vous connaissez, que vous retrouvez dans l'émission Vivre et Créer à la montagne quand nos programmes sont en forme, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais voilà, Vincent qui participe très régulièrement à la vie de la radio. Donc toi Vincent, tu es confiné à Bussan? Oui, oui, oui, bon, alors j'ai vu sur Facebook ce matin... Enfin, ah non, à midi, à 13h, oui. Que j'ai pas vu avant ton annonce, alors j'ai écouté sur Internet, oui. Et j'ai dit, bon ben voilà, c'est parfait, je vais d'abord me dire que je me réjouis de t'entendre. Ah ben c'est gentil ça. Ça fait quand même plaisir, donc tu as fait le saut, hein. Eh ben oui. Et puis, bon, tu as jusqu'à quelle heure tu es en antenne? Eh bien, comme j'avais prévu, comme j'avais prévenu nos auditeurs, je suis venue pour un moment, voilà, sans limite temporelle. Là, j'arrivais un petit peu sur la fin de mon émission, donc du coup, ah oui. Ça tombe bien que tu aies appelé maintenant, mais vraiment, je me suis lancée à midi, voilà, en complet freestyle, et j'avais pas vraiment de but, ouais. Voilà. De temps. C'est le but. Là, moi, j'ai écouté à l'instant, là, justement, un auditeur, enfin, un animateur de RCM, oui. C'est ça? Oui, Vivien. Radio Canal Myrtille, oui. Ça me fait penser qu'on devait, dans notre projet Courage à dire, Courage à vivre, que tu animes aussi, oui. Je devais aller à l'étape enregistrer, oui. Les élèves du collège. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est en panne, comme Mirecourt, oui. Comme Bruyère, comme Contrexéville. Bon, on verra bien. Le TIO, c'est fait. Bon. Et puis voilà. Puis j'ai vu que tu, comme je te le disais par mail, ton appel à texte, ça, à témoignage, oui. À témoigner, c'est important en ce moment. Je pense oui. Que le lien, d'une manière ou d'une autre, c'est on important. En a besoin. Alors, moi-même, je le dis, j'en profite pour faire aussi un appel. S'il y a des textes poétiques que d'ailleurs je peux aussi te transmettre, tout à ça fait partie de l'esprit du temps, les gens écrivent pas mal en ce moment. Oui. Sur moi je m'occupe du blog de l'Union des écrivains vosgiens. D'accord. Donc c'est il suffit de taper Union des écrivains vosgiens, les écrivains les écrits écrits TS20 .canalblog.com voilà. Okay. Alors on trouve et alors bon je publie à peu près tous les jours voilà. Ben c'est super. Ce qui a trait à la vie poétique, littéraire, un petit peu et artistique aussi. Alors malheureusement, j'en profite pour quand même c'est une nouvelle triste que j'ai appris par François Feutet, le départ d'un peintre de rue sur Moselle, d'un peintre fabuleux. D'accord. Je suis en train de lui faire de lui dédier une chanson d'ailleurs. Oui. Je suis en train de. Bah, il est parti. Alors, c'était un peintre. Tu connais peut-être pas. Je sais pas. Non, tu vois, c'était un peintre qui habitait la rue sur Moselle. Oui. Il est allemand. Hein. D'accord. Et il faisait des fresques gigantesques en bleu, tout ça. Ok. Ça dit quelque chose. Il y a quelques années, j'avais amené toutes ces peintures dans un château dans le Midi à Graoux. D'accord. Et il occupait toute la galerie, toute la salle d'armes. Alors bon, c'était un type généreux, remarquable, joyeux. Mais oui. Voilà, et je le salue en même temps, voilà. On lui fait un hommage. En tant que je le dis aux auditeurs. Voilà. C'est un grand peintre, il était surtout connu en Allemagne. Hein. D'accord. Mais il résidait à rue, voilà. Bon, eh bien, le message puis, est passé. Voilà, et puis sinon toi, ben, toi tu reprends... parfois les émissions. Eh ben on en parlera en privé, on va pas un petit peu étaler ma vie. C'est vraiment très bien, hein. Merci. C'est très sympa. Vincent, qu'est-ce qui te manque le plus à travers ce confinement? Ah, le contact avec les humains, hein, oui. Qu'on pallie par un petit peu par les moyens de radio, de WhatsApp, etc. Hein. Mais oui. Mais c'est pas pareil, hein. C'est quand même et en même temps, bon, je dirais que je vais quand même dire le positif, malgré ce terrible environnement quand même, mm-hmm. c'est que je me repose un peu, oui. que je faisais pas avant. C'est voilà. Vrai. Alors j'essaie de vivre, de goûter l'instant davantage. Mais bon, de voir les fleurs, les ruisseaux, les oiseaux. Mais bon, malgré tout, c'est le contact avec. On est des êtres sociaux, humains. Et bien sûr, c'est le mouvement, c'est de prendre la voiture, de voyager, etc. Voilà. Ben oui, on se rend compte. Normalement, on est un petit peu toujours précipité dans notre quotidien, après dans oui. notre tumulte. Et là, on se rend compte que finalement, on aime bien avoir du contact avec les gens, que c'est vraiment important. Alors, certains le savaient déjà. Moi, je suis plutôt un peu genre solitaire. Et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu une découverte pour moi. Mais on a hâte oui. que tout ça soit terminé et puis de pouvoir se retrouver. Comme avant et pouvoir se faire des câlins et voilà ouais. pouvoir sortir à notre guise hein? Voilà c'est ça ouais. Et ben merci beaucoup Vincent de nous avoir appelé. Merci à toi de cette initiative et voilà. Ben c'est moi qui te remercie qui est solaire. On se dit à très très bientôt et puis à bientôt Lia. À bientôt Vincent. On se lance tout de suite dans un autre son, Genesis Owusu pour Woot, et on se retrouve juste après. For my hustle, but I really think you must know. I think you're great, you save my day. If you ain't with the couple, I'll be gone with the gusto. See, it really ain't a puzzle. I say, he say, she say. So what you tryna do, yeah? Inside my day, you the rose in my bouquet. Presence in my sleigh, bring the love this way. Keep me loving what you do. Think you peanut butter smooth. You so bad, you so taboo. Never make me blue, be my baby boo. So what you tryna do? C'était quand même bien ce son, oulala, on se met bien, on se relaxe, on se déhanche, voilà, c'est le moment de se faire plaisir. Merci à tous ceux qui me contactent et me contactent encore. Alors des fois je manque des appels, hein, n'hésitez pas à rappeler, je peux pas être partout à la fois, notre standardiste est voilà, momentanément indisponible. Non, je rigole, on n'a pas de standardiste, j'arrête de me la péter, mais voilà, je suis toute seule aujourd'hui à la radio forcément. Confinement oblige, mais j'aime bien être confinée avec vous derrière un micro. Allez, on fait un petit tour point prévention. En plus des gestes barrières, eh bien, j'ai lu ce matin qu'on pouvait également renforcer notre système immunitaire de manière naturelle en quelques jours avec le jeûne ou en quelques semaines. Par exemple, avec le jeûne hydrique qui renforce le système immunitaire en 3 jours seulement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas, mais vous savez, hein, normalement, j'aime bien parler un petit peu de tout ce qui est bien-être dans Minute Bonheur que vous retrouvez les mardis. Mais bon, en ce moment, voilà, il n'y en a plus qui passent. Donc, j'avais envie de faire un petit point comme ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. S'il y a des naturaux qui nous écoutent, des praticiens avec des méthodes alternatives, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des petites astuces comme ça à nous donner, ou vous, auditeurs, voilà, est-ce que vous consommez quelque chose de particulier en ce moment pour booster un peu votre état général ? Alors, je lis encore que l'efficacité de notre système immunitaire, eh ben, il dépend étroitement de la qualité de notre flore intestinale et donc de la qualité de ce que l'on mange, que donc les légumes et les fruits vivants, crus, locaux et de saison, voilà, tout un phénomène à lui tout seul, sont ce qu'il y a de mieux pour renforcer rapidement nos réserves minérales, hein, ça c'est vrai. J'ai lu également les bienfaits de la douche froide. Alors, je connaissais pas, ça va être difficile pour moi, je vous l'avoue, mais j'ai quand même essayé. Donc, la douche froide qui, en quelques jours, augmente le taux de certains lymphocytes T, hein, et les bienfaits des plantes comme l'échinacée, l'astragale, le sureau, le cynorhodon sous leur forme concentrée et qui augmentent les défenses du système immunitaire en quelques jours. Et également, eh bien, des huiles essentielles antivirales. Si vous y connaissez dans ces domaines, eh bien, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à nous passer vos astuces. Voilà, ça serait quand même plutôt sympa. Alors, je vais lancer mes derniers disques. Donc, surtout, si vous avez envie de nous faire un petit coucou, 03 29 62 40 40, eh bien, c'est le moment ou jamais. Si vous avez envie de faire coucou à quelqu'un que vous ne voyez pas en ce moment et voilà, qui nous écoute, ou pas d'ailleurs, mais voilà, des fois ça fait du bien de dire ce qu'on a sur le cœur, de partager un petit peu ce qui se passe en nous, et voilà, là c'est l'occasion, moi je serais ravie de vous accueillir. Alors on se lance dans un son qui décoiffe un peu, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, on ne se repose pas sur nos lauriers, on est là quand même pour se déhancher. C'est le moment de la digestion, je sais, voilà, pour certains d'entre nous. Mais quand même, on fera la digestion après. Peut-être qu'il y en a certains d'ailleurs qui n'ont pas encore commencé à manger, peut-être qu'ils sont encore en train de popoter là-bas dans leur cuisine. On va se remuer sur un son d'Eminem avec Godzilla et on se retrouve, eh ben, pas juste après, parce que juste après, je vous passe un petit remix de Panda Dub. Et voilà, si vous avez envie de nous appeler, ben, c'est maintenant, je suis disponible. Oh, you're a monster. I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla. Better hit the deck like Zacardilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie apocalypse and Bibbobby. The brain heating, which is probably the same reason I wrestle with mania shades in this bitch. I'm posse'd up. Consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me. The hoes better get insomnia. ADHD, hydroxy cut. Test the Kabasi. In AA with an AK melee, finna set it like a play date. Better vacate, retreat like a vacay mayday. This beat is cray cray, Ray J, H-A-H-A-H-A. Laughing all the way to the bank, I spray flames. They cannot tame or placate the monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Got to the fire, spit a monster. Blood on the dance floor, the Louis V carpet. Fire, got to the fire. Did so many things that pissed them off. It's impossible to list them all. And in the midst of all this, I'm in a mental hospital with a crystal ball, trying to see what I still be like this tomorrow. Whispered all voices whisper. My fist is ball back up against the wall. Pencil drawn. This is just a song to go ballistic on. You just hold a pistol on the guy with a missile launcher. I'm just a Loch Ness, a mythological. Quick to tell a bitch you off like a fifth of vodka. When you twist the top of the bottle, I'm a monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. Got to the fire, spit a monster. Blood on the dance floor, the Louis V carpet. Fire, got to the fire. Monster, blood on the dance floor, Louis V. If you never gave a damn, raise your hand, cause I'm about to set trip. Vacation plans, I'm on point like my indexes. So all you will ever get is a motherfucking finger. Prostate exam, how can I have all these fans to perspire like a liar's pants? I'm on fire and I got no plans to retire. And I'm still the man you admire. These chicks are spazzing out, I only get more handsome and flyer. I got them passing. comes around just like the blades on the chainsaw. Cause I caught the flag, but my dollar stacked right off the bat like a baseball. Like kidding, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy. Cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk. Yeah. Bitch, I'm a player, I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you an ear, ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm Mary of Shabaria, face of my genital area. The original Richard Ramirez, Christian Rivera. Cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic and it's scary, call it Harry Carey. Cause every time I'm digging Harry Carey, I'm Mary, a motherfucking dictionary. I'm swearing up and down, they can spit this shit's hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye to eye with a staring problem. Get the shaft like a staring column. Drink a happy pack, eat, but it's black ink. Evil half of the bad meats. Evil that means take a backseat. Take a back to fat beats with a maxi single. Look at my rap sheet. What attracts these people is my gangster bitch. Like Apache with a catchy jiggle. I stack chips. You barely got a half eaten Cheeto. Oh, what the fuck? Mike? M, is that you? Oh, I mean, please, man. I'm sorry. Please forgive me. Fuck. Fill him with the venom and eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't wanna hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering again. Nobody will evade him. Finna kill him and dump with the fucking bodies in a lake. Obliterating everything is iterator. Renegade him. Hit him. Make anybody who want it with the pin and frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. Cause I'm beginning to feel like I'm mentally ill. I'm a tiller killer. Be killed. I'm a killer. Be the vanilla gorilla. You're bringing a killer within me out of me. You don't wanna be the enemy or the demon who in me. I'll be a receiving enemy. What stupidity it'd be. Every bit of me's the epitome of a spitter when I'm in the vicinity. Motherfucker, you better duck or you finna be dead the minute you run into me. 100% of you is a fifth of a percent of me. I'm about to fucking finish you, bitch. I'm available. You wanna battle? I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable. I'm unavoidable. I'm unevadable. I'm on the toilet bowl. I got a trailer full of money and I'm paid full. I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning. I know the table should have turned one day. Angles should have been over even. That day will come. One day the truth will come again. The good over evil. The truth will come again. Yes, the good over evil. Yeah. Them still we lies, them still we freedom, them still we identity. I return. Them pick us from we houses and bring us to the world market. Them steal the truth, them hide the truth, them give us only false rumors. Well, them saw. Them steal the truth, but we no fools, the liars should have get their remorse. No one lies. You know the evil is fake and the good is good. So why don't we live like we should? Why don't we live like we should? But the truth will come again. Fighting them one. Oh, ce petit remix de Panda Dub, il nous remet les idées bien en ordre. Ah bah voilà, je devais avoir un auditeur, eh bien on va le prendre tout de suite. Cet auditeur, on va l'accueillir maintenant, c'est Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour Lia, bonjour tes auditeurs, bonjour l'Aveyron. Ah oui. Bonjour la cuisine centrale de Rodez. Ok, ça marche, comment ça va? Ça va, impeccable. Eh ben super, t'avais envie de nous faire un petit coucou sur l'antenne? Un peu plus quand même. Ouais, alors dis-nous tout. Alors je voulais vous parler du mouvement Tous Ensemble, Together For. Oui. Un mouvement qui a pris racine il y a un peu plus de 8 ans maintenant, qui est actuellement fort de plus de 5000 membres. D'accord. À son actif, 3 émissions de télé. Ouais. Une consacrée sur France 2 à Mathias Echen. D'accord. Mathias Echen, on t'oublie pas, on se bouge pour te faire sortir de ta prison de Hong Kong. Mm-hmm. Donc ça, c'était le 26 janvier, via France 2 et sa sœur Éléonore Echen. Ok. Consacrée à ce sujet. Après, le 27 février et le 25 mars, l'émission a été rediffusée. C'est une émission via Eric Nadal, là, consacrée au beau label rouge de l'Aveyron. D'accord. Ou Eric, si tu m'écoutes, ça m'étonnerait, mais bon. On ne sait jamais. Ça sera retransmis après. Mais oui. Et également, et là, il faudra aller sur la page intitulée « Témoignage d'un amoureux des chiens de berger belge », une émission de Le Monde de Jamy, consacré à nos animaux et auxiliaires à quatre pattes. Tout à fait. Donc je disais, donc il y a 8 ans, on démarrait à 5, un peu plus de 8 ans, suite à la prise en main de mon club de cœur. Ceux qui le connaissent le reconnaîtront. Je ne peux pas tout dévoiler à l'antenne. Mais oui. Par JPB et l'ADN, qui fera les gros titres de l'équipe, mais sont encore dépendants. Mm-hmm. Tout ça pour trouver des sponsors, donc. Alors, à l'origine, moi, je n'avais aucune volonté de prendre quoi que ce soit. Je voulais offrir mon travail à mon club. Oui. Et ceci se passait via l'intermédiaire de Stéphane Mazard, le député. Donc, comment ça se passait concrètement? Ça se passait comme avec votre radio, c'est-à-dire que j'envoyais un premier mail de présentation. Mm-hmm. Et une fois que j'avais le contact, je rebasculais vers Stéphane Mazard. Ok. Donc ça a duré, ça m'a valu beaucoup d'animosité et de messages négatifs. Oui. Le temps passant, on a grossi. On a grossi et j'ai eu mon parrain de cœur que j'ai un parrain par discipline, à savoir que je suis éleveur canin. Oui. Sous la fixe du clou de la Grasse Fleurie. Et Joseph Menguet, qui est le propriétaire de Django du Bois du Thau, est venu chez moi suite à mon invitation et m'a dit Manu, nous ça nous intéresse. Ton histoire du rugby, ton histoire de Jeux Olympiques, vous en savez plus sur la page témoignage de l'amoureux du chien de berger belge. Je peux pas tout dévoiler. Oui. Et donc on est avec toi, et à partir de ce moment-là, j'ai contacté un petit peu tous nos amis aveyronnais, se trouvant un petit peu partout dans le monde. D'accord. Et ça a pris racine, donc j'ai eu de gros interlocuteurs, comme Claude de Crissé, qui est ambassadeur à Phuket, Thaïlande. Mm-hmm. Mes deux premiers parrains et politiques de ce mouvement sont les députés Yves Sancy et Stéphane Mazard, que j'avais déjà précédemment cité. Et voilà, et au bout il y a une paire d'années maintenant, on va dire, on aurait dû prendre la main du club. Oui. Sauf que des hommes locaux ne l'ont pas voulu. Et je me suis dit, bon, mais je vois que j'ai beaucoup de gens qui me rejoignent de tout horizon, de toute classe, de toute race, de toute nationalité. Que faire de ces contacts-là? C'est dommage de les garder juste en contact, autant en faire quelque chose. Oui. Et je trouve que c'est assez récent quand même, puisque ça fait suite aux exactions envers notre nation, aux dégradations de nos monuments publics. Et je me suis dit, tiens, la nature a horreur du vide. Donc, qui c'est qui, à l'heure d'aujourd'hui, défend tout ce qui fait la France? Bah, malheureusement, il n'y avait qu'un seul parti, hein. Un parti que personnellement je déteste, oui. Qui prône des valeurs qui ne sont absolument pas les miennes, disons qui sont même à l'opposé, mm-hmm. Carrément à l'opposé de ce que nous on défend. C'est-à-dire, je la nommerai pas, mais je suppose que tout le monde a compris de qui je voulais parler. Oui. Et donc, voilà, le mouvement Tous Ensemble, Together For, est né. D'accord. Et c'est un parti qui demande pas beaucoup de choses. Hein. Il demande d'avoir des valeurs positives. Il demande de savoir, de croire. Alors, croire, que ça veut dire? Croire, ça veut dire quelque part avoir le cœur ouvert. C'est-à-dire savoir apprécier un tableau, un paysage, un repas entre amis. Croire, c'est pas plus que ça, à l'origine. Hein. Oui. Tous les dieux, c'est dommage que c'est la même entité, sous des noms différents. C'est sûr. Voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a Covid-19. J'ai eu ma grand-mère, il y a 15 jours maintenant, qui m'a dit, Manu, j'en peux plus. Mmh. Et ma grand-mère, c'est Madame Marie-Rose Granier, 97 ans. Son mari était Joseph Granier, qui a été maire sous deux mandats de Vabre-l'Abbaye. D'accord. Et elle m'a dit, les médias, nous, moi, je suis confiné, alors que j'ai toujours vécu au Grand Terre jusqu'à mes 80 ans. Ah oui, c'est pas facile. J'étais au jardin. Là, je suis dans ma petite chambre et on me confine et on ne voit personne. Oui, c'est difficile. Et quelque part, merci les médias. Je dis merci les médias, mais c'est assez ironique. Mm-hmm. Puisqu'en fait, quelque part, ils tueront plus de personnes âgées que le Covid-19, dans le sens où ils véhiculent du noir. Et ma grand-mère, qui est une personne hyper dynamique, encore à 97 ans, pour qu'elle baisse les bras et qu'elle me parle de cette personne-là, c'est qu'on l'avait à tête. Mais oui. Et si on appelle ma grand-mère, on appelle beaucoup de monde. C'est je sûr. La connais, ma grand-mère. C'est sûr. Elle ferait le régal des émissions de télé. Elle est hyper circulante à 97 ans. C'est toujours un des piliers de la famille. Bon. Voilà, que vous dire de plus. C'est, à mon avis, c'est sur le point de sortir. J'ai de très, très gros... En fait, tout le monde est accepté. Après, il y a des déroulés comme Alain Brou, qui est l'entrepreneur, et bien plus que ça. J'ai tout ce qui est la Fédération Canine Internationale, puisque moi, je suis éleveur. D'accord. J'ai... les Lions Club, les différents Lions Club. Oui. Sa version internationale. Okay. Un petit coucou à Nathalie Loiseau aussi. D'accord. Et oui, Nathalie Loiseau, une femme qui en a. Et avec son équipe des Power Girls. Oui. Avec Aude Bruno Vendôme. Ok. Et toute une petite bande. Fort sympathique, mais c'est pas des rigolos, quoi. Ces gens-là, ils sont à Bruxelles, ils sont au Parlement européen. Oui. C'est les députés, les sénateurs. Je suis même. Salut Samir Ziani, actuellement champion d'Europe de boxe. Oui. Ben Portnoy, le Zidane de la plongée, etc. Si D'accord. vous avez des questions, j'espère que je me suis bien exprimé. Mais oui, tout à fait. C'est mon autre mouvement. Mais merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir partagé tout ça sur nos ondes. On était content de vous recevoir. Et puis, on embrasse très, très fort tout le monde. Et puis, particulièrement, les personnes âgées, comme vous le dites, hein, qui souffrent un petit peu de l'isolement en ce moment. Tenez bon, surtout. Voilà, on vous embrasse, on embrasse tout le monde. Et merci beaucoup, Emmanuel, pour... Si vous avez des retours, gardez le contact. Bien pas, sûr. Vous faites partie du projet également. Pas de souci. Merci beaucoup Emmanuel, à très bientôt. Ciao. Bon, on va se remettre de ces émotions. Hein. On donne la parole à tout le monde ici à Radio Guémozo. Voilà. Peut-être que vous avez aussi envie de nous dire un petit mot, vous aussi, pour conclure. Pour l'instant, on va se remettre de tout ça. On va se lancer dans un autre son de Ours Sans Plus. Je peux pas me lasser de ces sons. Je peux pas me lasser de ce qu'ils nous envoient artistiquement. C'est Ours en plus pour Spill on You et on se retrouve juste après pour la toute dernière fin de cette émission. all this day. Ours Some Plus Spell on You, franchement, Spill on You, pardon, purée la vache, je vais y arriver. C'est vraiment une merveille à écouter, je vous le recommande, c'est un de mes gros coups de cœur du moment, pourtant ça fait un moment qu'ils sont là, mais voilà, j'avais vraiment très envie de vous faire découvrir tout ça. Alors je redonne un petit mot du garage Vincent Moto, donc qui me dit que vous pouvez le joindre au 06 24 25 67 29 si vous avez tout souci mécanique, n'hésitez pas, hein, il est agréé, tout va bien pour lui, il peut continuer à exercer sans aucun problème. Voilà, le message est passé. Et bien franchement, je sais pas toi auditeur, mais moi j'ai passé un super moment, un moment que je pensais quand même plus court que celui-là, mais vraiment je me suis éclatée, on a passé plus de 2 heures ensemble, c'était vraiment génial. Mais du coup j'ai vraiment envie de revenir bientôt, donc si jamais pour la prochaine fois tu as des choses à dire, peut-être que tu es producteur local, peut-être que tu es citoyen en plein confinement, peut-être que tu continues de travailler, je ne sais pas, peut-être, moi j'ai vraiment envie qu'on se solidarise et qu'on propose de passer des petits mots aux gens qu'on peut pas voir en ce moment et pourtant à qui on a tellement de choses à dire, une petite dédicace comme on dit dans le jargon, voilà, ça serait quand même plutôt sympa. On s'organise tout ça et on se retrouve très bientôt. Tu peux toujours me retrouver à travers mon projet, pardon, il faut que je déglutisse à un moment donné, à travers mon projet Confine-toi, que tu retrouveras sur notre page radio guémozo.eu, je dis n'importe quoi, ça c'est parce que je lis en même temps, sur notre page radio Guémozo ou Guémozo tout court, voilà, projet Confine-toi, où je fais un petit appel à témoignage pour savoir comment tu vis les choses en ce moment, quelle est ta vision, quels sont tes coups de gueule, tes coups de cœur, ce que tu as envie de dire, voilà, tes humeurs fluctuantes ou non, voilà, tes habits. Moi, je m'intéresse aux gens et je serais très très heureuse de pouvoir partager tout ça avec toi. Voilà, c'est un moment où on a besoin de continuer à créer du contact, du lien, et on pourra le faire à travers ce projet. Je serais ravie de t'y accueillir. Et j'avais également envie, eh bien, de recueillir des dessins. Fais dessiner tes enfants sur le confinement. Fais dessiner ta mamie, peut-être. Je ne sais pas, ton tonton. Fais dessiner les personnes qu'il y a autour de toi. Si tu es artisan, chanteur, musicien, voilà. J'accueille tout le monde à travers ces émissions et ce projet. Voilà, tout est dit. On se retrouve très prochainement. Je ne manquerai pas de faire un petit appel avant mon passage à l'antenne. Peut-être un petit peu moins freestyle qu'aujourd'hui. Vous me direz si je suis digne d'être animatrice ou non. Hein. N'ayez pas peur. Je suis prête à tout entendre. Les critiques constructives sont toujours bonnes à prendre. Je remercie tous ceux qui ont écouté aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui ont intervenu aujourd'hui. J'ai eu des messages, des appels. C'était extraordinaire. J'ai adoré. Donc on se retrouve très très bientôt. Je voulais dire quelque chose et j'ai oublié, c'est pas grave. Ah oui, ça y est, le podcast de cette émission, tu vas le retrouver tout de suite dès qu'il aura chargé sur ma petite page internet, sur notre page Radio Gemozo ou Gemozo, avec eh bien, tous les liens des sons que je t'ai passés aujourd'hui. Si jamais tu as envie de les réécouter, si jamais il y a des choses qui t'ont plu, eh ben voilà, ce sera l'occasion. Et puis pour la prochaine fois, tu me prépares une petite playlist. Moi, je regarde dans mes petits CD si j'ai tout ça. Et pourquoi pas se faire plaisir aussi, vous faire plaisir à vous auditeurs. On va se laisser tout de suite avec un dernier son, Miss Broadway avec La Belle Époque. Je vous embrasse tous très très fort, je vous rappelle pas toutes ces choses qu'on vous dit habituellement, moi je vous dis plein d'amour, plein de solidarité, plein de soleil, plein de belles choses. Profitez un petit peu de ce moment, même si c'est un petit peu difficile de le dire, bah peut-être pour vous ressourcer, vous retrouver, vous replonger dans des livres que vous n'avez pas ouverts depuis des années, pourtant qui traînent sur votre table de nuit et qui ne demandent qu'à être lus. Voilà, moi en attendant, je vais un petit peu travailler mon élocution pour la prochaine fois. Hein, je vous embrasse encore une fois très très fort et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour de vrai, mais en tout cas très prochainement à travers les ondes, c'est garanti. It's gonna affect my head. What a bath and dresses and a fancy car. So I better go out looking for my lucky star.